L'agonie, livre 3, chapitre 11. Elles entraient à la vieille Espérance par une porte basse seulement fréquentée des esclaves. Dans le palais même, un piétinement féroce d'hommes battait le parquet, et c'était un ronflement de gigantesques sonneries en des couloirs sans fin, des cris de bêtes et des heurts de piques d'or à des boucliers d'or. Abara les vêtait d'habits cérémoniels où de l'or et des gemmes vivaient. En des tumultes éperdus de trompettes, des eunuques les conduirent auprès des Lagabalus. Non le muletier de tout à l'heure, l'abject muletier dont un million d'âmes s'ébahissaient. Mais l'empereur, blanc de peau et chatoyant de moire, avec la tiara qui éblouissait, la robe si traînante de dorure qui l'en paraissait affaissée, les sandales aux bandelettes tournant haut sur la jambe, une fastueuse image orientale qui se surélevait de sa propre irradiation. Des hommes vêtus d'or et coiffés d'or, avec des pierres bleues, des pierres jaunes, des pierres vertes à leur mitre assertie. Des mages, toujours en attitude hiératique, dont les barbes frisées tombaient noblement sur le tsarapi cramoisi. Des prêtres du soleil, qui gardaient leurs mouvements vicieux de croupe. Des familiers à la robe se froissant à des armures d'officiers s'épanouissaient derrière en éventail, comme une queue de paon énorme aux invincibles étonnements. Et tous exaltés sur un rythme lent, coupés d'acuités de trompettes recourbées, un hymne à Vénus qu'ils plaignaient d'avoir perdu Adonis. Des lyres, des sistres et des flûtes s'évanouissaient en des cubiculas ignorés sur des régularités de danse. L'Empire se rendait au temple du soleil, où la mort d'Adonis et la douleur de Vénus allaient figurer en plein jour quelque danger qu'il y eut, comme pour braver encore la ville éternelle, dont le ciel, de plus en plus rouge, semblait un lac de sang prêt à déverser. Sémias et Attilia se laissaient aller, des eunuques soutenant leur palla pourpre, des onéators soufflant à leur côté un déchirement de musique qui les ravissait davantage, et autour, toujours en des encens flottants, ce chant énorme pleurant Adonis et plaignant Vénus. Des hommes et des femmes qu'elle ne reconnaissait plus s'ajoutaient au cortège. Des bêtes enchaînées fouettaient de coups de queue leurs gardiens qui les frappaient de tiges de fer. Des éléphants se poussaient, et partout, partout, des miroitements de boucliers d'or s'arrondissaient comme des yeux jaunes sous des éclairs de piques d'or. Et elle ne se parlait pas. Et elle n'écoutait point, et elle ne pensait point. Toutes à la mort d'âme obscure qui était en elle par le déséquilibrement de leur chair, la perte de leurs énergies, la lassitude de leur matérialité, que la nature exaspérait châtiée avec de l'inconnaissance et de la fatalité. Elle sortait de la vieille Espérance, un dépourpre sur la tête, portée par des eunuques à la face glabre d'hommes avilés. Et Lagabalus montait sur son char, et des hommes les hissaient sur une large litière, balancée sur des épaules saignantes d'autres hommes qui hurlaient sous des coups de fouet lancés à pleine volée. Et des cavaliers à l'armure d'écaille, au buste se tortillant en dos de sauriens phénoménaux, émergeait sur des chevaux luisants dont la crinière torse vibrait. Puis un décor de Rome se déroulait colossalement. Des quartiers coulaient entiers avec des multitudes éblouies aux fenêtres, aux terrasses et sous les portiques. Des bruits se succédaient et elles dominaient tout. De leur litière, qui les berçait comme amoureusement. Des tympanons leur bruyaient, plongeant en la musique rieuse des flûtes, en les caquettements vifs des sistres et les piqûres des lyres que des mains élevées, et même une tête fraîchement coupée, se présentait au bout d'une pique. Une tête d'homme barbu, peut-être ayant voulu s'opposer au délire impérial que des prétoriens venaient de trancher en une boucherie anonyme, laissant du sang vite bu par le pavé. Elle gravissait le temple du soleil au fronton blanc neigeant sur le fond rouge du ciel. Les tumultes cessaient pour des anxiétés de gens curieux de ce qui se passerait là. Dans l'intérieur, Elagabalus occupait un tronus porté par des atlantes d'argent massif. Aux pieds s'écrasant en un fouillis de palmettes monstrueuses, aux dossiers sculptés de figures symboliques de serpents se mordant la queue et de têtes cornues de taureaux surmontées de torches entrecroisées. Elle s'asseyait sur des ocladia grecs à étoffe d'or. Autour d'elle, d'autres s'asseyaient également, d'autres restaient debout devant la ligne des mages cramoisis et des danseuses à demi-nues s'envolaient, sous la voûte éclairée d'un grand trou rond, dans la salle circulaire, en des éclairs de rythme religieux. L'empereur se hissait sur un échafaud poudré de safran, et, nu, le sexe lié pour mieux ressembler à la femme, il étalait sa peau blanche, sa face blanche, et se contorsionnait, et gémissait, et pleurait Adonis en des plasticités de Vénus épouvantée. Et, de Zopiscus, le poème de Vénus que l'empereur récitait, disait tout. Une recherche éperdue, en Afrique et en Asie, du bel enfant. Des montagnes fauchées, des forêts coupées, des mers violettes qui s'attendrissaient, des bêtes, toutes les bêtes de la terre qui la suivaient, et des naissances de dieux et de déesses en des nuées blanches s'apothéosant en des ciels éternellement traversés d'oiseaux mythologiques et de lunes nées du sein des nuits évanouies. Le temple résonnait alors d'un chant immense. Les danseuses, tout à fait nues, s'envolaient davantage. Les mages tournaient mécaniquement leurs barbes frisées vers Elagabalus. Les familiers se découvraient le sexe, les eunuques avaient des cris de douleur. Et c'était comme un Olympe de Dieu, un décor surhumain du rêve religieux, poussé dans de la gloire et du triomphe, éclairé de torches qui rutilaient à des colonnes hautes, où des boucliers appendus renvoyaient des miroitements d'or. Hiéroclès, Zoticus, Gordius, Protogenes, Murissimus apparaissaient sur l'échafaud. Et Elagabalus se livrait à la promiscuité mâle qu'avidement regardaient les eunuques, que les mages glacés exaltaient, que les danseuses saluaient de leur rythme lascif, pendant que d'autres répétaient les soupirs de joie de l'empereur, vautrés. Les mages montaient sur l'échafaud, et Elagabalus en descendait, suivi d'un dévalement de ses familiers. Et alors des hommes traînaient des enfants qui glapissaient, des enfants de famille patricienne, et les égorgeaient, dans une tempête de cris horribles qu'on eût dit d'agneaux. Un couteau d'or s'enfonçait, rapide, en la tendreté des victimes dont, pantelante, un trou rouge à la gorge, du sang sortait, qu'en dessous Elagabalus et les gitons recevaient sur la nuque, sur la tête, sur la chair nue. Et les petits cadavres s'amoncelaient devant les mages qui, ne cessant de chanter, opposaient le cramoisi de leur poitrine au sang de l'échafaud. Des êtres et des choses s'évanouissaient dans d'autres chants. Des éclats de trompettes et des percussions de tympanons, des heurts de piques d'or à des boucliers d'or. Au dehors, des cavaliers sur de grands chevaux, des chars, une litière. Le cortège, comme sous un coup de vent, les ramenait à la vieille espérance, dans un vide absolu de peuple qui ne voulait plus entendre et ne plus voir. Le jour se mourait en des flamboiements de soir, incendiant l'Orient et l'Occident, le sud, le nord, le bas de l'horizon et le zénith. Et des choses étranges y passaient, des entrecroisements de glaives, des levées silencieuses de piques, une marée de sang qui bondissait, toute une fureur de carnage qui semblait se mouvoir comme derrière un rideau flamboyant. Les trompettes extraordinairement sonnaient près d'elles, et ce n'était pas, pour leur imagination désagrégée, à leur côté, mais dans le ciel même, empoignées par des mains monstrueuses et recevant le vent formidable de quelque dieu. Elle rentrait à la vieille espérance. Au-dessus du triomphe impérial, qui montrait des nudités et des vêtements d'or, de soie et de gemmes, bariolés d'éléphants, de chars et de chevaux, une tête coupée flottait. Deux yeux morts les regardaient. La barbe du décollé de tout à l'heure pleuvait du sang. L'ouverture de son cou tranché s'arrondissait, et elle virait, sinistre et ténébreuse, comme une lune dans du néant. Le palais s'illuminait d'un allumement de lampadaires géants. Une orgie bruyait dans les salles, les atriums, les péristyles, les cubicula, sur les marches du prostyle, les pelouses des jardins, les lacs jaunes recevant des barques à la plustre évasée, pleines de femmes nues, qui, silencieusement, glissaient au son des lyres et des flûtes sanglotantes. Elle traversait ce décor en un accompagnement des éternelles trompettes d'or, dont, derrière elle, toujours, des onéators s'étourdissaient. Et elles allaient, le regard plein de promiscuité remués à leurs pieds en des éclairs de chair et des soupirs de plaisir dont leur endormement ne s'émouvait plus. Dans une grande salle, sur des sigmas embrassant à demi des trépieds reposés sur des faces de sirènes d'or, et la Gabalus et ses familiers se vautraient, repus de mets et de boissons. Des coupes bleues, des coupes roses et des coupes blanches, à figurations obscènes, jonchaient le parquet. À la lumière des candélabres d'où pendaient, par des chaînettes de métal, des lampes fumeuses, d'autres promiscuités montraient des ventres et des cuisses, des croupes et des sexes qui avaient des lividités tressaillantes et des torsions d'ardente peau. Des cris éclataient. Une voix furieuse demandait la mort d'Alexander. Une autre exigeait que le Sénat le privât de son titre de César. Une autre jurait d'assassiner Mammea, la grande coupable du mépris où tombait l'Empire. Une autre invectivait Elagabalus pour sa débonnaireté. Une autre assurait que des promesses de biens et d'honneur à Ulpianus, Venuleius, Sabinus et Modestinus les détacheraient de la mère et du fils conspirateur. Et le fer, le poison, le lacet, les bêtes, l'étouffement étaient tour à tour proposés. Mais Elagabalus branlait la tête, essayait de ne vouloir pas, très éloigné d'agir, et il regardait Sémias, qui restait muette, et Attilia, qui ne comprenait pas. Cependant, Hiéroclès le forçait du poing à signer un acte quelconque, une lettre au Sénat pour qu'il arrachât le Césarat à Alexander. Des hommes partaient tuer l'adolescent, et les familiers faisaient boire l'empereur jusqu'à ce que sous, hoquetant, congestionné, il roulât sous les sigmas, d'où des esclaves l'enlevaient en une crise suprême de vomissements puants. Sémias, qui n'avait pu arrêter la signature fatale, plus aveli encore, se retirait avec Attilia. Elles abandonnaient la vieille espérance accroupie dans la nuit sans lune, sans étoile, sans lueur, sans brise, sans rien qui appartint à de la vie. Des rues si noires que les maisons s'y noyaient, des places bitumineuses qui faisaient des écrasements de ténèbres. Des empâtements d'ombre coulèrent en un fleuve gluant jusqu'à ce que l'aube, très lourde, creva le ciel et raya tout l'Occident. Elle montait comme une poitrine saignante. Deux seins pendaient, une gorge sans tête se balançait au-dessus, et un ventre qui se striait de plaies s'élargissait au-dessous. Et toujours, Rome s'enveloppait de choses pourpres, comme si une mer de sang approchât, sinistre, avec des vagues formidables, la mangeant déjà.